Bonsoir à toutes et à tous. Après un set de Tiga pour les musiques automatiques, sans plus attendre, la rediffusion Fuse hebdomadaire avec ce soir un set de Psychogène enregistré il y a quelques semaines. Bonne écoute. 2021. We'll be right back. 21, un esprit. Thank you. Thank you. Radio 21.